Je me rappelle quand j'étais gamin, quand maman me tenait la main, m'amenait à l'école dès le matin. Ouais mon pote, je faisais pas le mal. Un dernier bisou, un câlin, me retrouve seul avec les copains. Quand j'étais gosse, je rêvais déjà d'unité. Entre autres, j'ai rêvé d'être homme, ce qui signifiait maturité. Un petit gibré qui avait quitté dès mes jeunes, oui c'était drôle, drôle. Un petit homme, la touffe comme les Jackson 5, aïe. Papa qui écoutait Thriller, la carrure de Tao Pai Pai. Gamin, je voulais être winner avec l'allure d'un Sangu Kai style. Enfant d'ouvrier, je peux pas l'oublier. Je rêve de grandir juste pour briller. J'aime pas la siège, j'aime pas roupiller. Je vois les voisins se bousiller. Je comprends rien comment sous-titrer. Le temps passe, je deviens nostalgique. Ouais. La vie est belle malgré le tachy. Avant d'atteindre l'âge adulte, je descends les pentes à l'aide du planche à roulette. Avec les potes, oui on s'amuse, personne ne pense à nous mec. Pas les moyens, donc on se fabriquera les jouets nous-mêmes. Adolescent, une mobilette, pas trop d'essence. Je me souviens, pas de monnaie le franc, juste avec 5 on faisait le plein. Donc hâte des centimes, comme pour ma mère, j'achetais le pain. Je me prenais pour un homme, quand je me suis rasé la moustache. J'ai pris le rasoir de mon père et j'ai pas lavé ma bouche cache. Donc ça faisait rire les copains, ça envoyait des boutades. J'ai encore des rêves de gosse, des terres comme un mec de Corse. Depuis gamin relève le torse, que l'on perde ou pète le score. Et c'est depuis que je traîne dehors que j'ai compris la crainte de l'homme. Je me rappelle quand t'étais gamin, toi tu rêvais d'être un homme. Et maintenant que t'es un homme, là tu rêves d'être un gamin. Je me rappelle quand t'étais gamin. Et maintenant que t'es un homme. Je me rappelle quand t'étais gamin. Et maintenant que t'es un homme. Toi tu rêvais d'être un homme. Tu rêves d'être un gamin.